prod, l'entraîneuse. Dans le pseudo du rap, je fenêtre les rappeuses. 2011 à part en studieuse, je suis la reine de tes peines. Comme si j'étais que ton man, comme si mon flow était sur scène. Tes paroles ironomanes, je crois qu'en fait on me fout de la peine. J'écris pour folle à la rage, je me suis rentraîne. Pour effacer tout ça, ne touche pas mes colères et dépressions. Mes embrouilles, je les oublie après m'être mise en question. Ne bouge pas sur ma carrière, l'évolution qu'elle peut prendre te fait chialer, mais j'ai ta solution. Je suis la reine de tes peines, alors ne change pas pourquoi. J'habite pas votre scène, si j'étais bonne soeur, tu serais ma croix. Je suis un boxeur, un rappeur, texte bien posé. Mes paroles sont top rageur, t'inquiète, j'en ferai pas mon métier. Je vais pas mon son, y'a des fans arrachés. Au mal, je vais te cravacher. Je suis un boxeur, un rappeur, texte bien posé. Mes paroles sont top rageur, t'inquiète, j'en ferai pas mon métier. Je vais pas mon son, y'a des fans arrachés. Au mal, je vais te cravacher. La base fait une prod qui a dit c'est 0€, 2 mois d'attente et mes 5 tils dans leur ventre. A force de faire ce deal, je rappe avec Boubo Easy. L'artistique, moi je le crois, moi j'ai tout mon temps. Et mon argent ne part pas pour les macros. Rappeuse machine, t'es trop marade, moi je perdrai ton micro. J'ai ça qui coule dans les veines, et ça c'est mon fardeau. Face à ces putes qui font nos poésies, on a envie que de tirer les rideaux. C'est pour les meufs agenouillées qui se baissent sur un bureau. C'est pour les putes alcooliques qui en string te jouent la bombe atomique. Parfait pour les accros, et pour ce système qui forme les mecs en salaud. C'est pour les chattes menaçantes, la drogue pas intoxiquée. Mais cette démocratie, j'y ferai face et je m'en sortirai. C'est pour les meufs sexy réalistes qui font des pistes pour te baiser. Les meufs qui sucent les flics qu'on aurait dû voiler. C'est pour les meufs qui jouissent trop fort, parlent de corps à corps. Si une dominante en donne, lâche pas ton portefeuille là-bas. Traquer les Tommy maison, y'a celui-ci pour la peine. Traquer les Tommy c'est bon car par ici elle nous gêne. C'est pour nos crises d'angoisse qui passent par ton mixage. On est la nouvelle collection, les fashion est toujours des âges. Je suis un boxeur, un rappeur, texte bien posé. Mes paroles sont top rageur, t'inquiète j'en ferai pas mon métier. Je vais pas mon son, y'a des fans arrachés. Au mal je vais te cravacher. Je suis un boxeur, un rappeur, texte bien posé. Mes paroles sont top rageur, t'inquiète j'en ferai pas mon métier. Je vais pas mon son, y'a des fans arrachés. Au mal je vais te cravacher. J'ai sang qui coule dans les veines et je vais faire un scandale. Je voudrais lui faire un dessin en lui parlant de péridurale. Tu te prends pour quoi? Une meuf avec de jolies hanches. Peut-être ça t'y touche, les mecs parlent eux de tenue blanche. Quentin, t'aurais pas dû trop parler en me donnant ton adresse. On va te faire retrouver ton joli fauteuil roulant, ta trembler sa raquée. Redis jamais qu'on vit le même monde, regarde ta vie à la planter. Et mon feu sera juste ta dernière danse. La féminité, tu nous l'as salie, trop dénudée comme les prostituées de Palestine. C'est ta team, toi tu l'as salie et tu mérites que l'on t'habille. J'ai sang qui coule dans les veines, t'as trop de meufs, se prennent pour des pros. Mais personne t'empêche de crocher dans un micro. Fais pas ta mijaurée si t'es déjà à portée plate. Et ça ne fait pas celle qui se prend des raclées si ton mec t'a surpris, les fesses tatouées d'empreintes. La vie est mal faite, regarde toujours les mêmes derrière les vitrines. Toujours les mêmes coups pour les thunes, il serait temps que tu y fasses régime. Je suis un boxeur, un rappeur, texte bien posé. Mes paroles sont top rageur, t'inquiète j'en ferai pas mon métier. Je vais pas mon son, y'a des fans arrachés. Au mal je vais te cravacher. Je suis un boxeur, un rappeur, texte bien posé. Mes paroles sont top rageur, t'inquiète j'en ferai pas mon métier. Je vais pas mon son, y'a des fans arrachés. Au mal je vais te cravacher.